Dans l'ascenseur. Votre message, your message is from Monsieur Saville, perhaps. Oh, that's a point. I better open it now in case I need your help. I can't read this. Is it French? Vous avez quelque chose pour moi? Bien sûr. Oh yes, it's French. Vous avez, you have, quelque chose, something, pour moi, for me. But what does it mean? You don't know? No. And there's nothing to say who or where it's from. Bonsoir, madame, monsieur. Bonsoir, monsieur. Nous sommes au troisième? Au troisième? Ah oui, c'est le troisième. Nous sommes au troisième. C'est votre étage. It's your floor. Oh, right. Merci, monsieur. De rien. Bonsoir. Bonsoir.